Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Quand les champignons sortent du bois, une série de Céline Duchesnet réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a la jubilation de trouver au pied des arbres de belles morilles luisantes et alvéolées, l'odeur douceâtre des caves et la fascination pour ces créatures multicolores et multiformes aux propriétés infinies dont on pourrait bien s'inspirer. Alors pour commencer, les personnages. Tintin et Milou, deux passionnés, Franquin, le comte de Champignac, un cinéaste japonais, un cinéphile, une mycologue qui analyse, un biologiste qui expérimente et une philosophe inspirée. Ensuite, le décor, une explosion, l'atome, l'apocalypse, le capitalisme, la solidarité, des champignons, des pollueurs, des enzymes, la symbiose, le queer et l'érotisme. Aujourd'hui, 4e épisode, ça souffle. Xavier Méjean, vous avez entre les mains l'étoile mystérieuse d'Hergé. Est-ce que vous pourriez nous décrire la couverture ? L'étoile mystérieuse d'Hergé, c'est l'énorme champignon. C'est Tintin et Milou qui sont effrayés. C'est un rivage composé de pierres. C'est le surgissement du champignon, une étendue d'eau. C'est l'angoisse pure, cette couverture, pour moi. Il n'y a rien où se raccrocher. Le héros, il a peur. Milou, qui en général est un peu rebelle, il a peur aussi. Il n'y a aucun secours en fond d'image. C'est un océan plat, morne, des cailloux, cette énorme masse, là, comme un dolmen, il y a une civilisation. Pardon, j'ai jamais aimé cette couverture, toujours inquiété. Moi, c'est une de mes couvertures préférées. Ah oui, oui, ah, oui, oui. À cause de l'explosion, parce que pour moi, il va exploser le champignon. Et donc, je le savais et ça me donnait quelque chose. Ça me donnait un avantage sur Tintin. Donc, j'adorais ce bouquin. Ah, ouais. C'est mon père qui me l'avait offert. J'en ai gardé un très bon souvenir. Bernard Leborn. Ceci dit, il a toutes les composantes du champignon vénéneux. Hein. La manie de phalloïde, en plus de ça, mutante. Il y a tout là-dedans. Hein. L'arrivée des champignons qui arrive de on ne sait où dans une terre qui est complètement stérile. Et puis, ce côté monstrueux, mystérieux, un développement inconnu. Et il pratique l'explosion, qui est dans le règne végétal, je crois, quelque chose d'assez rare. Bon, enfin, moi, j'aime bien les mules sérieuses. On est vraiment dans le fantastique abouti, quoi. La fin du monde, en plus. C'est du Lovecraft. Moi, ça m'a toujours inquiété. On dirait que c'est une plongée dans l'inconscient, là. Tintin dans la tête d'Hergé. D'une grosse tumeur, ça. Mais qu'y a-t-il, Milou ? Tu as faim ? Voyons un peu ce qu'il y a dans les rations de secours. Milou se réjouissait de pouvoir manger une omelette, peut-être aux champignons, et il grandit tellement qu'il va finir par exploser. Et ça aussi, c'est très bizarre, parce que un champignon qui explose, ça en évoque d'autres, évidemment. Benoît Mouchard. Comme tout le monde, je pense au champignon atomique qui va arriver 3 ans après cet album. Ça ressemble à un œuf, mais on dirait plutôt un champignon. Oh, ça alors ! Mais il grossit à vue d'œil, ce champignon ! C'est incroyable, professeur. La chose vient d'exploser. Milou, attention à toi ! Un autre champignon ! Mais fais attention, je te dis, il va exploser. Oh, en vérité, voilà qui est étrange. Des champignons qui poussent à vue d'œil et qui explosent. Voilà ce que je pourrais appeler un incroyable phénomène scientifique. Cet album a donc été publié dans le soir, de 41 à 42, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Et on pourrait peut-être revenir sur la thématique de l'album, parce que c'est un album qui démarre sur la fin du monde. Oui, alors j'irais même que c'est un album délirant. Le monde semble sorti de son axe. Il y a un tremblement de terre, les rats sortent des égouts. Il fait tellement chaud que le bitume fond. C'est une époque où, puisqu'il est sous l'occupation, Hergé, il décide assez sagement de ne pas faire de référence à l'actualité, ce qu'il avait l'habitude de faire avant-guerre. L'un des grands albums d'avant-guerre, c'est Le Sceptre d'Ottokar, qui évoque l'Anschluss, mais aussi la situation de la Belgique avec un roi qui finalement a une autorité très contestée, et puis des changements de gouvernement très réguliers. La fin de l'album est très fantastique, presque merveilleuse au sens littéral, ce qui est très rare aussi chez Tintin, puisque la plupart des albums sont très réalistes. Il y a de l'humour, il y a du burlesque, mais il n'y a pas ce registre d'un fantastique débridé. Et puis au final, comme dans la plupart des aventures de Tintin, il y a eu un énorme voyage, il y a eu une énorme attente. Puis au final, soit on trouve rien, parce que finalement l'aérolithe, il va disparaître dans l'océan, et on n'en saura pas beaucoup plus, enfin il va rester un vague fragment. Le professeur Kali sera ravi, puisqu'il pourra avoir la preuve de la découverte d'un minerai qui n'existe pas, le calistène. Enfin bon, on voit bien que la valeur, elle est que symbolique, mais il n'y a pas de vraie valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup chez Hergé, qui est très symptomatique, je pense, de sa vision du monde, qui est qu'on attend le grand événement, et puis quand on y est arrivé, ben en fait, ça change pas grand-chose. Nicolas Télope, vous êtes théoricien de la bande dessinée et du cinéma, et je souhaitais savoir si dans vos lectures de BD, vous aviez rencontré beaucoup de champignons. Bah, le premier qui vient à l'esprit, c'est celui qui est en couverture de L'Étoile mystérieuse. Tintin qui est absolument sidéré de se retrouver face à un bolet d'une taille gigantesque. Et puis dans le récit, on s'aperçoit qu'en plus il est très dangereux parce qu'il lui explose à la figure. Ça préfigure complètement les catastrophes nucléaires qui vont avoir lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki. Même si là c'est vraiment de la science-fiction à ce moment-là, vu qu'on n'a pas idée, on n'imagine pas, enfin en tout cas Hergé n'imagine sans doute pas que ça peut provoquer une explosion qui soit de la forme d'un champignon atomique. Mais si je devais en retenir un, ce serait un spécimen qui intervient 5 ans plus tard dans la bande dessinée de Franquin, dans un album qui s'appelle « Il y a un sorcier à Champignac ». À cette époque-là, Franquin, il anime Spirou depuis quelques années déjà, et il en a assez de se situer dans la ville, et donc il a envie de s'inscrire dans la campagne. Il se dit « bah banco ». Il y a rien de plus champêtre que des champignons, et puis on va l'installer au beau milieu d'une histoire qui mettra en scène des champignons magiques. Et en effet, c'est là que apparaît pour la première fois une des créations les plus importantes des aventures de Spirou, c'est le comte de Champignac, qui est une sorte d'obsédé des champignons, un savant fou, mais un gentil savant fou, un peu doudingue, qui va créer toutes sortes de potions, de mixtures à base de champignons. Sachant que ce végétal, enfin c'est pas vraiment un végétal, mais en tout cas que cette espèce représente pour lui tout un tas de choses inexplorées qui représentent à son sens le progrès. Justement, les champignons que le comte de Champignac va chercher ressemblent à quoi et lui servent à quoi dans ses recherches ? Alors, il ressemble en fait aux champignons de l'Étoile mystérieuse dans la mesure où on retrouve les mêmes couleurs, c'est-à-dire le blanc et le rouge. C'est vraiment une dominante qu'on va retrouver beaucoup et qu'on retrouvera aussi au début de la décennie suivante avec les Schtroumpfs, même si c'est beaucoup plus coloré encore. Mais en tout cas, ce à quoi ils servent, c'est intéressant, c'est parce que ils servent à contrecarrer la technologie moderne et à contrecarrer la science moderne. On voit que, en fait, le champignon, dans l'imaginaire de Franquin, il apparaît comme une sorte de contre-pouvoir des nouvelles technologies en tant qu'elles sont vues comme quelque chose d'assez aliénant et destructeur. Xavier Mauméjean, j'aurais souhaité savoir si pour vous les champignons avaient une dimension fantastique, presque de science-fiction. Les champignons ont un double usage. Ils sont vraiment spécifiques, fantastiques et science-fiction. Dans la science-fiction en général, le champignon, c'est le dépaysement. Et ça tient soit à un changement d'échelle, le champignon géant, soit on lui confère une intelligence. Voilà, ça c'est le traitement de la science-fiction, c'est le champignon de Jules Verne, le champignon géant. Mais qui est juste là pour indiquer qu'on est ailleurs, voilà. La science-fiction va s'intéresser à l'extérieur du champignon, globalement, au chapeau et aux pieds. Pas plus, il n'y a rien à en attendre. Tandis que le fantastique, à mon sens, est beaucoup plus intéressant, parce que le champignon, ça va être la maladie, le surréel qui surgit étrange, etc. Les champignons de fantastique sont abîmés, malades, ou semble-t-il. Le fantastique va s'intéresser, lui, à l'intérieur du champignon, le côté spongieux, ou les spores, par exemple, toute cette partie de mycélium, par exemple, tous ces filaments qui font que on est dans le malaise et dans l'étrange. Et donc, pour deux genres de l'imaginaire, c'est quand même deux traitements très différents. Il y a un côté Cadillac du champignon de science-fiction. Il y a un côté décharge à ordures du champignon de fantastique, par contre. Un des représentants de, je dirais, dans le monde occidental contemporain, et un des représentants de la fin du monde, c'est le champignon atomique. Ça, c'est fascinant. Et pour l'anecdote, l'écrivain et peintre Henri Darger, dans son œuvre écrite qui précède ces magnifiques toiles où il y a des champignons très colorés, etc. Dans son œuvre écrite, il décrit l'anéantissement d'une ville par une cause mécanique, une cause humaine, et c'est un champignon. Il y a un gigantesque champignon qui dévaste la ville, sauf que c'est écrit en 1937. Et lui, il est gardien de clinique, voire même homme à tout faire, voire même à peine concierge. Et donc c'est intéressant comment, par l'imagination d'un individu qui est autodidacte et qui vit tout seul, on en arrive à l'anéantissement d'une partie de l'humanité par un champignon, alors qu'il ignore complètement, et pour cause, les recherches qui sont faites, voire même pas encore, à ce moment-là. Est-ce que dans ses écrits, il avait déjà une relation particulière aux champignons ? Dans ses toiles, c'est évident, il représente des champignons magnifiques. Dans ses écrits, je connais que ce passage, mais qui vaut quand même le coup. C'est un coup de canon, là. Mais la déflagration est suivie par une sorte mais décrit comme tel, il utilise en plus le mot mushroom, de champignons gigantesques au-dessus de la ville, et qui est un champignon totalement anachronique. Comment est-il arrivé à la même conclusion, c'est très étonnant. Comment c'est-il qu'il anticipe de un peu moins de 10 ans les champignons américains sur les deux grandes villes japonaises, c'est très étonnant. Fausto Fazulo, vous êtes rédacteur en chef de Mad Movies. En 1963, sort au Japon un film qui fera date, qui s'appelle Matango, du réalisateur Ichiro Honda. Donc c'est un film qui fait le lien entre les champignons et une forme d'apocalypse. Alors est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter le film en nous racontant tout simplement l'histoire ? L'histoire de Matango, c'est celle d'une petite bande de bourgeois tokyoïtes qui partent en bateau. Et ils vont tomber en panne, en pleine mer. Ils vont donc accoster sur une île déserte. Sur cette île déserte, il y a un galion. Ils vont très vite l'investir. Ils vont commencer à chercher des vivres. Et dans leur quête de denrées, ils vont tomber sur un champignon, le Matango, qu'ils vont manger et qui goûte ce champignon se transforme lui-même en champignon. Mais en quoi ce film peut être associé à une vision apocalyptique des choses ? Il y a plusieurs niveaux de lecture sur ce film. C'est ce qui rend justement Matango particulièrement intéressant. Et si on l'observe en tout cas d'un point de vue cinéphile, c'est probablement le meilleur film de son auteur Ichiro Honda. C'est d'abord un film d'épouvante qui marche très bien sur les ressorts fantastiques du genre, c'est-à-dire que c'est un film qui fait peur, qui est à la croisée du film de monstres et du film de fantômes. Et si on creuse un petit peu, effectivement, il y a un lien évident à faire entre la représentation du champignon et l'histoire contemporaine du Japon. Et aussi les hibakusha, qui sont les personnes qui ont été exposées en fait à la bombe et qui se retrouvent très souvent avec de fortes complications et autres déformations physiques, ce qu'on retrouve effectivement dans Matango, puisque les consommateurs du champignon se transforment eux-mêmes en champignons, mais dans leur mutation, il y a plusieurs phases, et à travers ces phases, on peut retrouver effectivement les stigmates des véritables hibakusha. Quand on regarde des photos d'époque concernant les hibakusha, les personnes qui ont donc été touchées par les radiations de la bombe, on se rend compte que dans le maquillage des personnages de Matango, il y a quelque chose de très proche entre les photos des véritables irradiés, les hibakusha. Ça crée une proximité particulièrement malaisante. Ça surligne le propos contestataire de Ichiro Honda dans son long métrage. Fausto Vasulo, est-ce que vous pourriez décrire l'affiche du film ? Qu'est-ce qu'on voit ? On y voit ces fameux champignons humanoïdes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment à la croisée du grotesque et du terrifiant pur. L'aspect grotesque, il est assez clair. Hein. Imaginez un champignon humanoïde, il y a quelque chose d'instantanément risible, rien que dans le fait de le décrire. Et en même temps, quand on les voit, il y a une sorte d'amalgame de bubons, quelque chose d'assez sale, d'assez organique, d'assez transpirant, quelque chose d'assez humide. En même temps, c'est logique, ce sont des champignons. Et c'est ce qui fait que le film fonctionne très bien. Il y a une sorte de double impact comme ça quand on voit ces champignons humanoïdes. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est le champignon qui a été utilisé comme métaphore de fin du monde ? Le champignon, a priori, au Japon, a plutôt une image positive, en tout cas que ce soit dans la gastronomie, la diététique. Il est très consommé. Dans Matango, il y a une sorte de pertinence à choisir comme objet de terreur quelque chose qui est aimé par la population japonaise. En définitive, on le déplace d'un objet de consommation apprécié pour son goût à un objet de terreur pure et qui en plus est synonyme de pourrissement et qui est synonyme d'une histoire qu'on ne veut pas regarder en face, est synonyme de personnes qu'on laisse sur le bas-côté. Enfin, le champignon est vraiment pluriel dans Matango. On peut dire de Matango que c'est une métaphore évidente de la bombe. Singh, vous êtes anthropologue, vous avez écrit un livre intitulé « Le champignon de la fin du monde », sous-titré « Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme ». Donc c'est un essai qui raconte l'enquête mondiale que vous avez menée sur les champignons, les Matsutake. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce champignon ? À quoi ressemble-t-il ? Quelle est son odeur ? Et que symbolise-t-il ? We use the word Matsutake to refer to a group of related mushrooms. Les Matsutake, ce terme fait référence à tout un groupe de différents champignons, mais qui sont apparentés et qui ont en commun une odeur très caractéristique et très puissante. Certains la trouvent extrêmement dérangeante et d'autres en sont fous, trouvent cette odeur extrêmement stimulante, attirante. Un mycologue célèbre américain l'a décrite, cette odeur, comme étant un mélange absolument provocant, détonnant, de bonbons à la cannelle et de chaussettes sales. Au Japon, en revanche, on prise beaucoup cette odeur. On dit qu'elle donne infiniment de joie aux personnes qui la sentent, car elle nous rappelle les plaisirs de la saison automnale. They were quite common in Japan. Les matsutake se trouvaient très couramment, communément au Japon, jusque dans les années 1970. À partir de là, il y a eu des changements environnementaux, écologiques, considérables, qui entraînaient la rareté du matsutake. Et parallèlement, on assistait à l'essor sans précédent de l'économie japonaise. Tous les prix étaient tirés à la hausse, dont le prix des matsutake. Et comme il n'y en avait plus dans le pays, on s'est mis à les importer. Et on les importait grâce à des cueilleurs qui travaillaient essentiellement dans l'hémisphère nord. At certain periods, matsutake have been the most expensive mushroom in the world. À certaines périodes, les matsutake étaient les champignons les plus chers au monde, et les Japonais se souciaient beaucoup de leur provenance, de leur état de fraîcheur, de leur odeur qui devait être au rendez-vous. Bien sûr, tous n'atteignent pas des prix faramineux, mais les plus beaux spécimens valent énormément d'argent, et c'est ça qui a relancé ou lancé un petit peu l'intérêt de ce ramassage artisanal de champignons, de cette cueillette. I began my study of matsutake because I was looking for a global commodity chain. I wanted to study. Je me suis mise à étudier les matsutake parce que je voulais étudier le capitalisme mondial et une chaîne d'approvisionnement à l'échelle planétaire. Et celle du matsutake m'a particulièrement intéressée car ce n'est pas un marché très régulé finalement. Et je me suis particulièrement attachée à étudier tous ces processus de transition entre l'étape de la cueillette, producteurs et jusqu'aux consommateurs. C'est cette chaîne que je voulais étudier. Et quand je suis tombée sur ce champignon, j'ai compris tout l'intérêt qu'il représentait pour moi dans le cadre de cette étude sur les processus du capitalisme, car tant du point de vue écologique que économique, il présentait des caractéristiques fascinantes pour moi. Et c'est ainsi que j'ai été happée, absorbée dans le monde du matsutake. J'ai rencontré les cueilleurs, les hommes d'affaires, les forestiers qui tournent autour de cette chaîne d'approvisionnement du matsutake et j'ai été à mon tour fascinée. Pourquoi avez-vous associé le matsutake aux ruines du capitalisme ? The first place that I encountered matsutake was in Central Oregon. Le premier lieu où il m'a été donné de rencontrer des matsutake, c'était en Oregon, dans l'état de l'Oregon, le centre de cet état. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, cette région a été une région de sylviculture très intense, d'activité forestière. On a abattu énormément d'arbres, énormément de forêts. Ça a donné naissance à toute une économie, de nouvelles lignes de chemin de fer ont dû être construites notamment pour acheminer tous les troncs d'arbres. Et puis, au moment de la Seconde Guerre mondiale, milieu du XXe siècle, eh bien, il n'y avait plus de bois, on avait pillé ces belles forêts primaires. On coupe encore du bois dans les forêts de l'Oregon, mais les nouveaux arbres ne valent pas autant que les arbres très anciens qui ont été abattus. D'ailleurs, on voyait parfois des champignons qui coûtaient plus cher que les arbres. Then I had the opportunity to continue the research in Japan, where the matsutake there are a creature of human disturbance. Ensuite, j'ai continué mes recherches au Japon et là on voit le matsutake comme une créature, enfin le produit des perturbations apportées par l'homme à l'environnement. En tant qu'Américaine, j'avais toujours cru que les perturbations causées par l'homme étaient toujours négatives pour le vivant. Mais le matsutake, c'est l'exemple presque inverse puisqu'il arrive en effet, à survivre et à croître dans des environnements peu accueillants. Au Japon, il y avait beaucoup de forêts, dites forêts villageoises, autour de chaque village, où les habitants allaient cueillir le bois pour faire la cuisine, etc. C'était des forêts très productives, où poussaient aussi des pins rouges, mais un petit peu tout seul, un peu comme des adventices. Enfin, ce n'était pas des plantations organisée. Et puis à partir de la Seconde Guerre mondiale, les forêts des villages ont été un peu désertées quand on est passé notamment aux combustibles fossiles. Le gaz, le pétrole a remplacé le bois et on a assisté au début de l'exode rural. Par conséquent, les forêts de ces villages japonais ont été abandonnées. Et plus rien ne poussait. Certaines ont été transformées en plantations, mais d'autres sont restées à l'état d'abandon. Et en fait, on s'est aperçu que le Matsutake arrivait à vivre sur ces zones qui avaient été jadis exploitées, puis abandonnées. Donc, il arrive à s'accommoder, ce champignon, d'un certain degré de perturbation causée par l'homme. Est-ce que vous avez le sentiment, Anna Tsing, que l'image du champignon dans le courant du XXe siècle a évolué? Il y a un moment où le champignon a été associé à la catastrophe atomique. Je pense aux champignons atomiques, je pense aux deux bombes atomiques, à Tchernobyl aussi. Et puis, il semblerait depuis quelques dizaines d'années que le champignon ait un peu plus la cote maintenant et qu'il devienne même l'objet d'études dans des disciplines qui ne sont pas du tout celles de la biologie. Je pense par exemple donc aux gender studies, à la philosophie des sciences, en anthropologie aussi, avec le travail que vous avez fait. Est-ce que vous avez ce sentiment de l'évolution de l'image du champignon ? I think in the 20th century, mushrooms could only represent something that was disgusting or below people's notice. Oui, c'est un développement très récent intervenu, comme vous le dites, ces dernières années. Tout au long du XXe siècle, on peut dire généralement que les champignons étaient considérés comme quelque chose d'un peu répugnant, dégoûtant, qui n'était pas digne de notre attention. Il n'y avait que des associations négatives, en effet, liées aux champignons. Un collègue m'a même raconté une anecdote. Il était à une conférence et il y avait des serviettes de table avec des dessins de champignons. Personne n'en a voulu. Tout le monde allait vers les autres qui ne présentaient pas ce motif. Mais ça a beaucoup changé. Et je crois que cela est lié au sentiment que nous avons qui s'est développé du sens de notre vie sur Terre, de comment nous pouvons vivre sur cette planète. Et puis, on est devenu beaucoup plus conscient de l'interdépendance qui lie toutes les espèces sur la Terre. Et voilà pourquoi de nouveaux champs se sont ouverts en biologie, car on étudie davantage les interactions interspécifiques ou une nouvelle ligne de la philosophie aussi qui s'intéresse davantage à la manière dont nous pouvons vivre avec autrui, avec les autres de manière générale. En histoire également, on s'interroge davantage au lien, à cet enchevêtrement entre des données humaines et non humaines qui, tout ensemble, vont faire l'histoire. C'est ici. Philippe Sylar, vous nous amenez dans votre laboratoire ? Oui, dans les pièces expérimentales, puisque là, vous êtes déjà dans le laboratoire, mais dans le laboratoire de biologie, dans tous les laboratoires, vous avez des parties bureaux et des parties expérimentales. Et donc là, on se dirige vers la partie expérimentale. Alors, c'est un laboratoire tout à fait classique ici de biologie moléculaire où on manipule aussi les champignons. Donc, vous avez des paillasses. Au-dessus de ces paillasses, vous avez des étagères. Alors ça impressionne toujours beaucoup le public. Il y a plein de bouteilles avec plein de solutions. En fait, c'est les solutions salines souvent que l'on utilise pour faire fonctionner toute la biologie moléculaire. Et puis, on a bien évidemment le lieu où on cultive ces champignons. Dans notre laboratoire, c'est sous forme donc d'enceinte qu'on appelle des étuves, dans lequel on a mis un peu d'humidité et c'est là donc où on va incuber les boîtes de pétri qu'on a inoculées avec les champignons. Et donc on va prendre quelques boîtes par exemple pour vous montrer. Donc là, il y a des cultures de champignons sur boîte. Donc celle-là, elle a été lancée ce matin. Donc vous voyez, on a déposé des petits, ce qu'on appelle des petits implants de mycélium. Et très rapidement en quelques heures. Donc ça, ça a été inoculé avant-hier. Le champignon, vous voyez, cette espèce de duvet là qui se propage et qui va finir par envahir complètement la boîte. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas cet aspect mystérieux des choses aussi qui est fascinant et passionnant? De savoir qu'il y a tellement de choses encore à découvrir. Ah bah oui, c'est clair que par rapport à certains domaines beaucoup plus explorés, et on connaît quasiment rien sur la biologie de ces organismes. On en est au balbutiement pour la plupart des projets de recherche. Couplé avec le fait qu'il y a finalement assez peu de scientifiques qui travaillent sur ces organismes, moi, c'est ce que je raconte à mes étudiants. Quand j'arrive au laboratoire, mes collègues qui travaillent par exemple sur la souris, la première chose qu'ils font, ils se précipitent sur Medline, qui est la banque de données de publication générale, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà publié ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, puisque jamais personne ne publiera la même chose que nous, puisqu'on est quasiment les seuls à faire ce qu'on fait sur cet organe, sur ce champignon-là au monde. Donc, on n'a pas de compétition particulière. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des collègues qui travaillent sur des champignons proches qui font à peu près des choses similaires à nous. Mais au moins sur celui qu'on étudie, on est tout seul. Qu'est-ce qui vous a d'emblée plu dans l'étude des champignons ? Donc j'ai une formation de généticien. Et donc le champignon modèle sur lequel on travaille, que le public ne connaît pas du tout, qui s'appelle Podospora anserina, est un organisme absolument exceptionnel pour faire de la génétique. Donc peut-être que le grand public connaît ses compétiteurs directs, que sont Neurospora crassa et peut-être Aspergillus nidulans, qui sont alors chez les généticiens beaucoup plus connus que Podospora anserina, mais une fois qu'on a goûté à Podospora anserina, c'est dur d'en partir. C'est un petit organisme tout à fait discret, beigeâtre, verdâtre, qui fabrique des tout petits carpophores. Alors qu'est-ce que c'est que le carpophore ? C'est la partie du champignon que généralement le grand public connaît. C'est derrière la structure de reproduction sexuée. Donc quand vous allez acheter des truffes ou des morilles ou des champignons de Paris, ce que vous achetez, c'est le carpophore. Et chez ce champignon, le carpophore, ce sont ces tout petits points noirs qui forme ici des barres. Mais au laboratoire, il a le très gros avantage d'avoir un cycle complètement maîtrisé, donc on peut le manipuler comme on veut. On aime bien travailler sur cet organisme-là. Alors vous, votre laboratoire s'intitule le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Votre champignon, il vous sert à quoi ? Alors donc nous, on est vraiment très intéressés par à la fois la biodiversité de ces champignons et la façon dont ils fonctionnent au niveau moléculaire. Et donc c'est pour ça qu'on utilise notre organisme modèle favori, Podospora anserina. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'énergie ? Alors il faut savoir que dans les écosystèmes terrestres, les champignons ont des rôles absolument essentiels au niveau du grand cycle énergétique de la nature, qui est le cycle du carbone. L'homme relarguant dans l'atmosphère des quantités importantes de gaz carbonique, on perturbe le climat et on le vit un peu aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nature, il se fixe par la photosynthèse autant de carbone que du gaz carbonique qui est recyclé. Quand on regarde un peu au niveau des quantités émises, on s'aperçoit que si on laissait faire les plantes, en 4 ans, elle viderait l'atmosphère de son gaz carbonique. Ce qui veut dire qu'il existe des recycleurs de ce gaz carbonique. Et donc, quand on regarde un tout petit peu qui participe à ces grands cycles, on s'aperçoit que dans les écosystèmes terrestres, les acteurs principaux sont les champignons. Parce que ce sont les seuls organismes qui sont capables d'attaquer efficacement une molécule que fabriquent les plantes, qui s'appelle la lignine, qui empaquette la cellulose. Or, cette lignine est extrêmement résistante à la dégradation, sauf la dégradation via les champignons. Ce qui veut dire que dans les biotechnologies qui sont envisagées pour tirer des petites molécules comme des sources d'énergie telles que l'éthanol à partir de molécules complexes que sont la paroi des plantes, en fait, ce qu'on envisage principalement, c'est d'utiliser l'enzymologie des champignons. Et ça peut avoir des applications pratiques ? Alors ça a des applications extrêmement pratiques, hein. toute une partie des enzymes qui sont utilisées, par exemple, dans les lessives pour blanchir les vêtements ou dans les pâtes à papier pour blanchir les pâtes à papier, sur les débris végétaux pour fabriquer des carburants, eh bien, ce sont des enzymes de champignons. Et alors, parce que vous, je crois que vous aviez personnellement aussi travaillé sur le principe de la dépollution des sols. Alors, nous, on a fait quelques manips sur le principe de la dépollution des sols, effectivement, où on a regardé les champignons étaient capables d'inactiver un produit qui s'appelle la 3,4-dichloroaniline. Alors cette 3,4-dichloroaniline provient de la dégradation du diuron, qui est un herbicide. Et cette 3,4-dichloroaniline, elle persiste dans les sols et elle a des effets cancérogènes. Et donc quand elle est présente en très haute dose, elle peut inhiber par exemple la germination des plantes. Et donc quand il n'y a plus de plantes qui poussent dans un sol, il est stérile et il va mettre beaucoup de temps à redevenir un peu plus sain, on va dire. Et donc nous, on a regardé si en rajoutant des champignons, on pouvait pas transformer cette 3,4-dichloroaniline en 3,4-acétyldichloroaniline, ce qui est le cas. Et donc à partir de ce moment-là, les graines des plantes se remettent à germer et le sol repart dans un cycle un peu plus vertueux où on espère qu'à la fin, la 3,4-dichloro ou la 3,4-acétyldichloroaniline seront éliminées par d'autres micro-organismes. Alors, en l'occurrence, on sait que le champignon qu'on a utilisé n'est pas capable de dégrader la dichloroaniline, mais certaines bactéries et d'autres champignons, eux, sont capables. Donc votre objectif, c'est de trouver finalement la perle rare, enfin le champignon qui pourra permettre ce type d'expérience ou... Alors, non, nous, notre rôle, c'est de comprendre au laboratoire un peu mieux comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment le champignon fait pour détoxifier cette molécule. Et de fait, on a identifié avec mes collègues Jean-Marie Dupré et Fernando Rodriguez Lima, qui travaillent dans le bâtiment en face, les enzymes importants pour acétyler la 3,4-dichloroaniline. Maintenant, je pense que la détection des espèces les plus à même à faire le travail, ça serait plus un laboratoire appliqué qu'un laboratoire de sciences fondamentales que le nôtre. Donc, grâce aux champignons, il pourrait y avoir, on pourrait réussir à créer des biocarburants, on peut réussir à dépolluer les sols. Est-ce que les champignons sont les nouveaux super-héros de l'humanité ? Alors j'aurais tendance à vous dire oui, mais je pense que je pousserais le bouchon un peu loin. C'est-à-dire que parmi tous les atouts dont peut disposer l'homme en utilisant les organismes qu'il trouve dans la nature, les champignons ont pendant très longtemps été négligés, qu'ils ont un peu souffert effectivement de cette mauvaise réputation. Mais maintenant, oui, il y a beaucoup d'études pour étudier les champignons pour dépolluer les sols. Il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui explorent comment ils sont fabriqués. Il y en a même un ici au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Ma collègue Florence Leclerc dirige une équipe qui travaille sur la biosynthèse des métabolites secondaires. Anissa Lounès Hadj-Sahraoui, vous êtes chercheuse et professeure à l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant à l'Université du littoral Côte d'Opale à Calais. Nous sommes ici à Evin-Malmaison, qui est un des lieux d'expérimentation sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi ce lieu est important par rapport au sol contaminé ? Il a une histoire particulière. Tout à fait. En fait, on est sur le site de Metal Europe. Alors, le site de Metal Europe est l'un des sites les plus pollués en France. C'est une fonderie de plomb qui était en activité pendant des années et des années avec des rejets atmosphériques. Et ces rejets atmosphériques ont fini par se déposer pendant toutes ces années et ont causé la pollution d'environ 650 hectares de terres agricoles sur 10 communes du Nord-Pas-de-Calais. Comment est-ce qu'un champignon peut naturellement dépolluer les sols ? Il a deux modes d'action. Soit un mode donc direct, en produisant des enzymes qui sont capables de dégrader les polluants organiques, tels que les dioxines, ou alors intervient de façon indirecte, en permettant à la plante de se développer de façon beaucoup plus importante, et donc son système racinaire sera beaucoup plus important, et donc pourra accéder à tous les polluants qui se trouvent dans le sol. comment les bactéries et champignons dégradent ce type de polluants organiques en produisant des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines qui ont une activité catalytique de dégradation, c'est-à-dire qu'elles vont casser la molécule en petits morceaux pour la faire disparaître, entre guillemets. Mais il faut combien de temps pour que donc cette association de la plante et du champignon puisse nettoyer un sol pollué? Est-ce qu'on a des idées de tout ça? La phytoremédiation a beaucoup d'avantages. Elle est écologique, elle est économique, elle est facile à mettre en œuvre, elle est bien acceptée par l'opinion publique parce que bon, planter, voir des plantes sur un terrain, c'est familier, ça n'a rien d'étrange. En revanche, l'un des inconvénients majeurs, c'est sa lenteur. C'est très lent. Donc, ça peut s'estimer en fonction de la nature du polluant à quelques mois, voire quelques années. Ici, à Évin-Malmaison, les sols sont pollués par des métaux lourds, des polluants qui ne se dégradent absolument pas. Donc, votre idée, c'était d'employer différemment ces sols en utilisant la phytoremédiation et les plantes aromatiques. Alors, de quelle façon ? Pour que ces procédés de phytoremédiation deviennent rentables d'un point de vue économique, puisque le but premier, c'est de reconvertir ces sols agricoles pour leur donner une valeur économique, une valeur ajoutée. Donc, il faudra trouver des filières de valorisation de toutes ces plantes qui poussent sur ces sols-là. Parmi les filières de valorisation de ces plantes, on a parlé du Miscontus bois énergie, du chanvre pour les fibres de lin en écomatériaux. Mais l'autre idée, c'était de produire des huiles essentielles, de cultiver des plantes aromatiques pour produire des huiles essentielles. Donc, on a visé plus une filière non alimentaire, type donc huile essentielle à activité biopesticide, c'est-à-dire avec des activités antifongiques, antibactériennes, insecticides. Et donc, ces huiles essentielles, même si elles ont été produites dans des sols qui sont hautement contaminés, elles ne sont pas contaminées? Alors, on a testé, comme vous le voyez ici, la coriandre, on a testé l'angélique et la sauge que vous voyez au fond avec les belles fleurs roses. Et on a regardé donc la teneur des éléments transmis du plomb et du zinc, du cadmium dans le sol, ce que ça devient dans les racines et dans la partie aérienne et après dans les huiles. Alors, la bonne nouvelle du projet, puisqu'il est en cours, c'est que les huiles essentielles ne sont pas contaminées par les métaux lourds. Donc, ça serait potentiellement une filière intéressante. Maintenant, pour dire qu'elle est viable d'un point de vue économique, il faut donc faire une étude économique, ce qui fait partie du projet également. Marc-André Solos, on a longtemps associé la décomposition, le pourrissement à une image négative. Et j'aurais aimé savoir ce que vous, professeur au muséum, vous pensez de cette histoire de pourrissement et comment est-ce que ça peut être associé aux champignons. Je pourrais déjà vous dire comme simple citoyen que quand des choses pourrissent pas, ça crée des problèmes de déchets, ça crée des problèmes de recyclage. Et ça, c'est un problème très moderne. Non, en fait, le pourrissement, la décomposition, c'est quoi? C'est quand un organisme attaque de la matière morte, en fait en partie sa propre matière et puis en brûle une autre partie pour faire son énergie. Et il va y avoir des déchets de cette espèce de feu biologique qu'est la respiration. On parle de la respiration là, ou de la fermentation. Et ces déchets, ça va être quoi? Ça va être du CO2, ça va être de l'azote minéral, du phosphate minéral, exactement les briques de base dont se servent les plantes. Ça, ça porte un nom, c'est le recyclage. C'est la remise à disposition d'autres espèces de ce qui était leurs déchets. Et ce grand recyclage, il est vital, notamment dans les sols, pour restituer, notamment aux plantes, les éléments qui leur permettront de se développer. Alors, en quoi ça peut concerner nos champignons ? Alors, les champignons, y a ceux qui sont dans les sols, mais aussi ceux qui sont dans le bois mort. Là, par exemple, on a du bois mort, et on voit très bien qu'il y a du feutrage blanc dedans. D'ailleurs, sentez. Vous voyez, ça sent un peu le champignon, comme le champignon de Paris. Hein. Eh bien, il y a du mycélium de champignon dans ce bois mort. Et ce mycélium de champignon, eh bien, il est en train d'attaquer le bois. D'ailleurs, ce bois, il est blanc et fibreux. Et tout mou. Vous pouvez l'effriter avec le doigt, vous allez voir. Hein. Ça part en petits morceaux. Dans le bois, il y a de la lignine et de la cellulose. N'est-ce pas? Ce sont les composants essentiels du bois. Et là, il ne reste plus que le composant mou et blanc, la cellulose. Où est passée la lignine? Eh bien, elle a été décomposée, c'est-à-dire qu'elle a servi à nourrir le champignon qu'on a vu, et puis il y a eu de la respiration et c'est reparti sous forme de CO2 dans l'air. Or, la lignine, qui est un composant majeur de nos écosystèmes, il s'en produit 900 milliards de tonnes par an sur le globe. Cette lignine, elle n'est décomposée que par les champignons. Donc ils sont aux côtés des autres décomposeurs dans la composition d'un petit peu tout, mais pour la lignine, ce sont les seuls à opérer ça. Or, la lignine, c'est 20, 25, 30% de la biomasse dans les écosystèmes. Donc ce sont des recycleurs, et en particulier pour la lignine, ils occupent une position de verrou écologique, ce sont les sols. Ce qu'ont inventé les champignons qui décomposent la lignine, c'est une sorte de chimie des radicaux libres, et ils attaquent la lignine avec des radicaux libres. C'est une invention visiblement assez difficile dans l'évolution, et que eux seuls ont réalisé au fur et à mesure qu'apparaissaient les premières plantes terrestres, il y a 400 millions d'années, qui produisaient cette lignine. Yann Larue, vous êtes professeur à l'Université Paris 13 et vous êtes aussi auteur de Libère ton cyborg, le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'image du champignon qui était associée à quelque chose de négatif dans l'imaginaire collectif. A-t-il évolué depuis la fin du XXe siècle? Alors notamment depuis que l'on sait qu'il est capable de dépolluer les sols et de proposer une alternative écologique aux problèmes environnementaux que nous rencontrons. Mais aujourd'hui, le champignon est-il présent d'une manière plus positive dans notre imaginaire? Alors, je pensais peut-être à la science-fiction féministe, par exemple. Bon, on a peu d'exemples, hélas, de représentation du champignon dans la science-fiction féministe. On peut le déplorer, hein, puisque, manifestement, ce champignon est plein de vertus. Et on n'est plus du tout dans l'image d'une espèce de chose pourrissante et inquiétante que ma grand-mère me conseillait d'écraser d'un coup de pied quand on se baladait dans la forêt, car c'était une mauvaise chose que le champignon. Je crois qu'on est rentré dans une autre perspective, et notamment celle de la symbiose. Il me semble que le champignon, c'est vraiment l'animal, non. Le végétal, non. C'est vraiment le fungi, enfin, la chose la plus mutualiste, la plus symbiotique qu'on ait dans le règne, dans les règnes, dans les différents règnes. En effet, le champignon est capable de s'allier avec des algues, des plantes, même des animaux, hein, comme les fourmis par exemple, les lichens également. Et donc, il offre des perspectives extrêmement fortes et intéressantes de symbiose, c'est-à-dire de liens absolument indéfectibles entre les êtres. Et la symbiose n'est pas une simple invitation, c'est beaucoup plus important que ça. La symbiose, c'est vraiment une dépendance étroite de deux types d'êtres. Des êtres qui ne pourraient pas vivre s'ils n'étaient pas en symbiose. Et donc la symbiose, elle a quelque chose d'absolument indispensable. Olga Poteau, vous êtes doctorante en philosophie à Paris-Nanterre et j'aurais aimé savoir comment est-ce que la philosophie du 19e siècle a construit notre vision de la biologie. Au 19e siècle, il y a un début de travail sur les symbioses, mais au début, tous les organismes que maintenant on reconnaît comme entretenant des liens symbiotiques ou étant des organismes symbiotiques comme la mycorhize, le lichen, etc., au départ, on ne pouvait envisager ça que sous l'angle du parasitisme. Il n'y avait même pas la possibilité de considérer ça comme des symbioses. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y avait vraiment une conception de l'individu comme un être fonctionnant de manière autonome, clos sur lui-même, intègre, qu'on se développe à partir d'une origine unique. Voilà, c'est un peu l'individu forteresse d'une certaine façon. Donc, il y a cela en premier lieu. Certaines conceptions de la compétition et du conflit qui est, alors je vais pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est une certaine conception un peu erronée du darwinisme ou en tout cas très partielle, enfin qui considère que le seul mode de relation entre deux individus dans la nature, ça va être celui d'une compétition pour les ressources. Et ça, c'est un petit peu les paradigmes qui dominent la science au 19e siècle. Il y a aussi les découvertes de Pasteur, où tout le monde bactérien est plutôt considéré comme quelque chose de nuisible et de néfaste. Donc on a du mal à penser que le monde bactérien, ou plus généralement le monde microscopique, puisse être bénéfique, notamment aux humains. Et en tout cas, tout ça pour dire que nos conceptions de la nature influent sur ce qu'on peut y trouver. Et réciproquement, ensuite, c'est une boucle infinie. Ce qui m'intéresse dans les champignons, c'est une certaine poésie, je dirais, et pour moi, plus une poésie queer que féministe, c'est-à-dire ce qui est queer pour moi avec les champignons, et notamment avec le mycélium et les réseaux mycorhiziens, et voilà, tout l'aspect symbiotique des champignons, c'est cette question de l'effacement des frontières, de l'effacement des catégories, des transgressions entre espèces. C'est-à-dire que je vois du queer dans les symbioses et donc dans la vie mycorhizienne, la vie fongique, mycélienne, etc. Parce que justement, il y a cette transgression entre les catégories, c'est-à-dire que une mycorhize, on ne sait plus si c'est une plante ou un champignon. C'est les deux, en fait, c'est les deux et c'est autre chose. C'est quelque chose d'autre. Et donc, pour moi, les champignons, ce qui est très beau et très queer là-dedans, c'est qu'ils se fichent complètement des catégories que nous on a établies. Ça, c'est une plante, c'est un champignon. Ils font leur petite tambouille à eux et ils rentrent dans ces interactions. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette idée de jeu avec les frontières, avec les catégories de transgression. Et j'irais jusqu'à dire, en fait, ce que je trouve très beau, et ça n'engage que moi, mais moi, j'y vois, quand je pense aux mycorhizes ou quand je pense aux lichens, moi, j'y vois un certain érotisme transespèce. C'est-à-dire que la mycorhize, c'est quand même les filaments mycéliens qui vont entrer soit entre les cellules de la plante, donc ectomycorhize ou endomycorhize, et ça, pour moi, j'y vois vraiment quelque chose d'extrêmement charnel, d'extrêmement érotique presque, de ce mélange entre espèces différentes qui fait complètement exploser en fait les conceptions qu'on a des liens entre espèces. Notre regard sur les champignons a donc changé, Yann Larue. Il me semble qu'il y a beaucoup de signes d'évolution du regard comme ça, et les champignons en font partie. Quelque chose de l'ordre de la symbiose, quelque chose aussi de l'ordre de la ruine de ce qu'on a longtemps appelé l'arbre de Porphyre. C'est-à-dire qu'en bas, vous aviez les animalcules, les méduses, les bestioles rampantes. Il y avait un mépris pour les rampants qu'on appelait reptiles, ce qui n'est pas du tout une catégorie phylogénétique. Ça ne tient pas, reptile, hein, ça n'existe pas. C'est un mot courant qui ne veut rien dire. Et au-dessus, par gradation, vous aviez en haut l'homme. Alors, l'homme, mais pas sa femme. Disons, c'était l'homme. Voilà. Et alors, cette chose-là a complètement disparu avec l'apparition de la cladistique, la classification phylogénétique en buisson. C'est-à-dire, c'était fini de l'arbre, et maintenant, c'est le buisson. Donc, nous sommes, nous, humains, misérables, une espèce de petite branche minuscule d'un bout de machin du côté des eucaryotes, et il y a l'énorme règne des bactéries et des archées qui occupent l'essentiel du vivant, et nous avons qu'à nous incliner. De même, nous avons été classés, nous, les chordés, car nous ne sommes plus des vertébrés, mais des chordés, avec les myxines, un animal atroce du fond des mers, qui est parfaitement capable de survie d'une façon exceptionnelle, qui est, on doit s'incliner devant la myxine, tellement cet animal a des capacités de survie exceptionnelles, et une adaptation, au sens darwinien le plus strict, absolument excellente. Donc, ça a complètement renversé la pensée. On a cessé d'être en haut d'une structure supérieure, enfin, pas moi, hein, bien sûr, l'homme. On a arrêté ça, et du coup, je crois que ça a ouvert des possibilités scientifiques différentes, et ça a permis, du coup, de se raccorder avec des tas d'organismes qu'on avait finalement appris à maîtriser. Et on n'a plus du tout, donc, une vision de l'homme en haut de sa pyramide et de tous les êtres complètement non dépendants. On est au contraire dans un monde de l'interdépendance. À mon avis, c'est un peu ça la promesse du champignon, et maintenant, il reste à attendre le roman de science-fiction qui mettra ça en perspective. Nous l'attendons. Les champignons sortent du bois, une série documentaire de Céline Duchesnet et Laurent Polleret. Aujourd'hui, réhabilitons le champignon. Avec par ordre d'apparition Xavier Mauméjean, Bernard Leborgne, Benoît Mouchard, Nicolas Télope, Fausto Fazulo, Anat Singh, Philippe Sillard, Anissa Lounès Hadjsahaoui, Marc-André Solos, Yann Larue et Olga Poteau. Traduction FDR. Prise de son Eric Audra, Marcos Daras et Thomas Robin. Mixage Alain Joubert.